des jardins d'Éden. Et la femme troubla l'amour. Adam et Ève, Moko Akosi Moninga. Eva obuka ki pomme, o katelinga indambo, ele boya ramu, na fungoli miso, na yebini nyango mukili, reconnaissance, papa e mayo na mupanzi nanga, na ningi si moto na nimi oi, mpena pesi yangwene ya bolongani, tobanda, tobota, bana. Olieko bandanye, obi misili susu trouble, kaina mona tobota, akomi manananga. Oh, femme, c'est toi qui troubles l'amour, tu amènes à la haine a chagrin la jalousie. L'homme est tué à sa femme, la femme empoisonne à son mari, c'est ce qui nous sépara. Toi et moi, nasi ya nzambe, kaina yo. Nasi ya mabele. Ami, ami, likambo, likabo, libiso, awana mokili, yango wana. Mama nala inda ike, mobale ya liboso, asala kisu wana mokili. Sempo ya infidelite ya mwasi. Buka, buka, ino makambo kobota biso ma. Basi, mba fame wawa, uye kifaya konyo kona mibali, ye ye ye ye ye. Bino makombo kubota biso, ha, ha, ye, ye, ha, ha. Bino makombo kubota biso, bino makombo kubala biso, bino makombo konyo kono biso, basi, mba fame wawa. Manager Jean-Jacques Mandé. quoi.